choisi Espace à Bernay. Excellente soirée tout le monde, 18h. Tout de suite, un dernier point d'actualité nationale et internationale. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Le mouvement de contestation lycéenne contre une série de mesures gouvernementales n'a pas faibli aujourd'hui avec 450 lycées perturbés, dont 50 bloqués, selon le ministère de l'Éducation, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Dans la matinée, le ministère avait fait état de chiffres bien inférieurs puisqu'il avait alors recensé 120 lycées perturbés. Avant de s'exprimer ce soir à 20h pour présenter des mesures concrètes et immédiates, le chef de l'État a reçu les élus et partenaires sociaux aujourd'hui. À la sortie de l'Élysée, ils ont expliqué qu'aucune mesure n'avait été annoncé. Après un nouveau week-end d'action des Gilets jaunes, le bilan définitif s'établit à 1082 interpellés, dont 974 gardés à vue. Au procès en appel de Francis Holm pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz, Patrick Dils a témoigné ce matin lors de 3 heures de visioconférence. Condamné puis acquitté après 16 années passées en prison du double meurtre commis en 1986, le désormais quadragénaire témoignait depuis Bordeaux où il a refait sa vie. Mais la défense de Francis Holm, condamné en première instance en 2017 pour le meurtre des deux garçons et jugé en appel, a à nouveau tenté de faire douter les jurys, quitte à remettre en cause son innocence. Des représentants des 159 pays membres de l'ONU ont approuvé aujourd'hui à Marrakech le pacte mondial sur les migrations piloté par les Nations Unies. Ce pacte sur les migrations doit encore faire l'objet d'un ultime vote de ratification le 19 décembre à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Non contraignant, il recense des principes et liste des propositions pour aider les pays à faire face aux migrations. Il interdit les détentions arbitraires, n'autorisant les arrestations qu'en dernier recours. La première ministre britannique Theresa May a annoncé au Parlement britannique aujourd'hui un report du vote sur l'accord du Brexit. Elle a expliqué qu'elle allait s'entretenir une nouvelle fois avec ses homologues européens pour essayer d'obtenir des garanties supplémentaires. Enfin, l'UEFA a dévoilé aujourd'hui la liste des 50 joueurs sélectionnés pour l'élection de l'équipe type de l'année 2018. Le Real Madrid est le club le plus représenté avec 9 éléments. Le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid et Liverpool sont également bien présents. 10 joueurs français ont été retenus. Sur la plus normande des radios, Ludo, 17h-19h. Dans les prochaines minutes, Silk City avec Electricity, mais tout de suite c'est Sound of Legend avec Hold That Sucker Down. L'after school d'espace. 50, 35, 50, 50 pour appeler les cadeaux du Père Noël comme on le fait chaque année. C'est très simple, vous me laissez vos coordonnées à ce numéro. Donc 0950 35 50 50, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et à n'importe quel moment de la journée, je peux vous appeler. Je vous pose une question très très simple, qui t'appelle en bonne radio? Vous répondez Ludo et c'est donc cadeau pour vous. C'est extrêmement simple et il y en a pour toutes les générations. 18h10 dans 3 minutes, ce sera un Georges Ezra sur Espace. Pour les fêtes, envie de produits 100% locaux dans vos assiettes et sous le sapin? Rendez-vous au marché fermier de Noël à Évreux. Plus de 30 producteurs locaux vous attendent à l'hôtel du département de l'Eure à Évreux du jeudi 13 au dimanche 16 décembre. Ouvert de 10h à 18h30. Une manifestation organisée par le département de l'Eure et la Chambre d'agriculture. Entrée gratuite. Vous voulez rénover, agrandir, vous êtes à la recherche d'une entreprise sérieuse qui gère vos travaux de A à Z. L'entreprise Vignon est là pour vous. Depuis 1979, nos équipes savent répondre à vos besoins. Nos couvreurs réalisent tout type de couverture. Nos menuisiers, charpentiers et maçons sont également présents pour répondre à vos attentes. N'hésitez pas, contactez-nous au 02 32 49 72 72. Les chaussures Marco à Pont-de-l'Arche, les chaussures qu'il vous faut. Marco, fabricant de chaussures depuis 1750, la plus vieille fabrique de France. Marco propose un magasin d'usine à Pont-de-l'Arche sur le site de l'usine où vous pouvez trouver des chaussures pour femmes, hommes et enfants ainsi que des sacs. Date d'ouverture sur Facebook sur la page Chaussures Marco. La prochaine est le vendredi 7 et samedi 8 décembre de 9h à 19h. Parking disponible situé juste en face de la mairie de Pont-de-l'Arche. Le groupe Xerolab, concessionnaire exclusif Xerox, est heureux de vous convier à son exposition à la CCI Porte de Normandie, route de Paris à Évreux, pour vous présenter ses impressions dorées, argent, fluo et blanche, ainsi que toute sa gamme d'imprimantes multifonctions. Dématérialisation et audiovisuel d'entreprise les 12, 13 et 14 décembre toute la journée. Informations au 02 32 62 81 81 02 32 62 81 81. Entreprise Seba,

something else you're searching for. I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing. Times I fear myself. Et Bradley Cooper à l'instant, 18h24, maintenant 6 minutes 280 en mode funky mix. Ludo. Ludo. Ludo on the radio. Espace. Espace. Funky mix. Funky mix. Held us down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our show together, we're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Don't you let nothing, nothing stand in your way. I want you to listen, listen to every word I say, every word I say. Ain't no stopping us now. Stopping us now. We got the groove. that has a negative vibe. And if you're trying to make it, they only push you aside. They really don't have nowhere to go. Ask them where they're going, they don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna put our show together, gonna polish up our act well. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Thank you. Mix. Comme à Évreux, il est déjà 18h30. Tout de suite, un dernier point d'actualité locale et régionale sur Espace. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron, qui recevait aujourd'hui syndicats de salariés et du patronat, prendra la parole ce soir à 20h. Lors de cette allocution, le président de la République annoncera des mesures, notamment en faveur du pouvoir d'achat. En attendant, les manifestations se sont poursuivies aujourd'hui dans les agglos de Rouen, du Havre, de Dieppe ou encore de Beauvais. Dans l'heure, une quarantaine de gilets jaunes ont bloqué l'accès à la préfecture. De l'heure, une délégation a été reçue par le préfet et Sébastien Lecornu, le ministre délégué en charge des collectivités territoriales. Les lieux de barrage sont restés similaires aux jours précédents. Cependant, la gendarmerie indique que près d'une dizaine d'incidents se sont déjà produits au niveau du rond-point de Fleury-sur-Andelle. Coups de poing, insultes, voitures dégradées ou encore des automobilistes contraints d'apposer des gilets jaunes sur le tableau de bord. Une enquête est en cours. Contre la réforme du bac et la mise en place de la plateforme Parcoursup, mais aussi désormais contre la répression policière à Mantes-la-Jolie, les lycéens ont manifesté aujourd'hui. 800 élèves des lycées Grieux-Armand, Val-de-Seine à Grand-Queville, Le Corbusier à Saint-Étienne-du-Rouvray, Mauroy et Buisson à Elbeuf ou encore au Havre se sont mobilisés. 36 interpellations ont été réalisées dans le département. À Évreux, la situation a carrément dégénéré ce matin. La manifestation a commencé par des poubelles brûlées devant le lycée Aristide Briand, puis des jeunes ont pillé un magasin de sport sur la zone de Carrefour à la Madeleine. Un préjudice estimé à 2000 euros. 6 jeunes ont été interpellés. À Beauvais, 800 lycéens ont manifesté. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour contenir les manifestants et éviter qu'ils accèdent au centre-ville. Dans le Calvados, des élèves du lycée Paul Cornu de Lisieux avaient mis en place un barrage filtrant devant l'entrée de l'établissement. Une centaine d'avocats de Rouen se sont rassemblés devant le tribunal aujourd'hui pour faire entendre leur inquiétude sur les réformes envisagées pour le système judiciaire notamment. Mobilisation également des membres du barreau de l'Eure et puis de Beauvais. La refonte de la carte judiciaire représente la principale pierre d'achoppement avec les avocats, mais aussi la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance. Manifestation donc de gilets jaunes, lycéens ou encore avocats, autant de mobilisations qui demandent un maintien de l'ordre. Déjà beaucoup sollicité à la suite des attentats terroristes, les policiers se disent épuisés. Écoutez Frédéric Deguerre, secrétaire régional Normandie, unité SGP Police FO. Plus on avance dans le temps, plus mes collègues sont fatigués, sont éreintés. En plus de ça, c'est pas des gardes statiques, hein, c'est du maintien de l'ordre. Hein, donc c'est assez éprouvant physiquement et moralement. Pas assez de temps de repos pour pouvoir récupérer correctement. Même si la situation se tend, parfois les gilets jaunes entretiennent de bonnes relations avec les policiers qui parfois peuvent partager leurs revendications. Derrière chaque fonctionnaire de police, il y a un citoyen, il y a un consommateur. Hein, pour venir travailler, il faut aussi mettre de l'essence ou du gasoil dans notre voiture personnelle. Donc ça nous coûte. Tout ça aujourd'hui pour un salaire de misère, hein, puisqu'un fonctionnaire de police qui commence au SMIG. Et bien évidemment, après cette crise, notre syndicat se prévaudra de revendiquer une hausse de salaire, et on ne se contentera pas d'une prime, mais bien une hausse de salaire à la hauteur de l'investissement de nos collègues. Un automobiliste de 28 ans est décédé ce matin à Beauvais suite à un accident de la circulation avec un car scolaire. Le conducteur de la voiture est décédé sur le coup. Deux passagers du bus ont été choqués et transportés par les pompiers au centre hospitalier de Beauvais. Une vingtaine de lycéens ont par ailleurs été pris en charge par un autre car. Depuis le début de l'année, 32 personnes ont perdu la vie sur les routes de l'Oise. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, nous serons enfin loin de la grisaille de ces derniers jours avec quelques belles éclaircies. Un thermomètre qui va stagner à seulement 6 degrés sur Songeon, 7 degrés sur Beauvais ou encore Gournay, Les Andelys et Le Neubourg, et 8 degrés à Vernon, Évreux, Rouen, Louviers, Pont-Audemer et Bernay. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne 7-8 degrés à l'heure où je vous parle, indice de l'air avec Atmo Normandie, j'ai 4 sur 10. On attaque 7 nouvelles demi-heures avec Benny Blanco, Calvin Harris et I for You. If I don't know how to move, I cannot say what I believe in. Finally believe in you. I travel many roads, and I know what road to choose. Now my world is never changing. There's anything I can do, 'cause I found you. I found you, 'cause I found you, I found you, 'cause I found you. I found you.

l'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Et l'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Retour chez vous, bonne soirée. Et dans maintenant un peu plus d'une heure, le président de la République va s'exprimer. Et là, pour le coup, je me permets de lui dire qu'il faut être impérativement excellent, efficace et super bon. 18h49, le Père Noël, chez nous, ça se passe comme ça. Allô, bonjour, comment ça va bien? Ça va bien, et vous? J'adore le vouvoiement au téléphone, ça m'excite à chaque fois le vouvoiement. Bonjour Jess, comment ça va bien? Ça va. Bon Jess. Il fait froid, mais... Oh, il fait un peu moins froid aujourd'hui, je trouve. Oh, le temps est vraiment passé génial du tout. Ah oui, mais en même temps, on est en décembre, on parle de Père Noël, donc forcément, il fait un peu plus froid. Bon, est-ce que tu écoutes une radio régulièrement dans la semaine, dans l'entafé par exemple? Oui, Radio Espace. Bon, déjà, première bonne chose, mais je te rappelle que pour gagner les cadeaux du Père Noël Espace, il faut répondre à une question super simple. Qui t'appelle en mode radio? C'est Ludo. Bah écoute, voilà, ça y est, c'est super, cadeau de Noël pour toi, maintenant c'est dans la poche. Tu sais ce que tu as gagné grâce au Père Noël d'Espace? Non, j'ai hâte de savoir. J'adore ta voix, Jess. Qu'est-ce que tu fais ce soir à partir de 19h? Ce soir, à partir de 19h, je rentre chez moi, j'ai les devoirs à faire, douche de mes enfants. Et... On s'organisera ce week-end donc. On aura le plaisir donc, grâce au Père Noël d'Espace, de t'offrir une tour de son. Ouais, super. T'en avais une chez toi ou pas? Non, pas du tout. Eh bien voilà, c'est fait. Pendant que les enfants sont dans la baignoire ou sous la douche, il y aura de la musique en mode Bluetooth, avec carte SD, écouter la radio FM et Espace évidemment. Enfin bref, voilà, c'est cadeau de Noël pour toi. C'est cool. Avec plaisir. On va ajouter au pied du sapin. Oui, alors c'est assez grand quand même. Hein. Je sais pas si la maison est grande et le sapin est gros, mais voilà, c'est une grosse tour de son. On va trouver de la place. Est-ce que tu veux dire bonjour à des gens que tu connais à la radio, vite fait, comme ça? Je veux dire bonjour à mes collègues hein, de la même hybride et de Courtis, puis un bisou à mon chéri. D'accord. Ah oui, il y a un chéri, donc... Ah oui, donc c'est mort, en fait. Je t'embrasse, ma petite Jess. En tous les cas, bravo, bravo d'avoir gagné cette première tour de son. Bah, c'est super. Ils sont combien, les enfants, à la maison? Elles sont deux. Elles sont deux. Filles. D'accord. Leur prénom, c'est Antea et Lily. Antea et Lily. Alors, gros bisous à Antea et Lily. Je t'embrasse également. Passe une très, très belle journée. Merci, vous aussi. À bientôt. À bientôt. Salut. 17h, 19h. Ludo à la radio. Espace. La potion du bonheur a laissé quelques traces chez moi. S'inviter à pas d'heure et ce même quand je touchais du bois. On ne croupira pas là que me chantait mon petit doigt. Pour leur maman dit qu'on n'a pas trop le choix. Elle m'a dit laisse passer gentiment. Elle m'a dit laisse passer simplement. Tout finira bien par se tasser un moment. Alors je laisse passer. Papa n'était pas là, voilà comme maman s'en est allée. Ma vie c'est pas la joie, mais je ne vais pas vous en étaler. Le frérot l'a senti, lui a vite préféré d'étaler. Mais bon, je suis grand, moi je ne vais quand même pas chialer. Il m'a dit laisse passer gentiment. Il m'a dit laisse passer simplement. Tout finira bien par se tasser. Je m'en vais rêvasser. soirée, les Normands, les Picards. À l'instant, c'était Cameron avec Je laisse passer. Avant 19h, on nous l'a demandé la semaine dernière. Nous écouterons cet énorme tube indémodable pour les fêtes de fin d'année. La Proc Télé avec David. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le lundi 10 décembre. Ce soir sur TF1, un téléfilm, Un bébé pour Noël, avec la spécialiste des séries, Laetitia Milo, qui joue le rôle d'une institutrice qui se réveille à l'hôpital. Après avoir passé 6 mois dans le coma, la jeune femme apprend qu'elle est enceinte. Problème, elle a oublié avec qui elle a fait le bébé. Plusieurs ex-amants se présentent en pensant être le père. France 2, Les Rivières Pourpres, pour débuter la soirée avec un inédit, 22h50, stupéfiant, Léa Salamé nous propose ce soir une spéciale polar. France 3, Thalassa est au Pays Basque de Biarritz à Bilbao. C'est à Baba, c'est à Yo-Yo, c'est à Neneu, c'est à Bayonne. La 4 est le de Jackie, la camionnette de mi papa. Tut tut. Voilà, je vous ai fait le tour de toutes les chansons des fêtes de Bayonne. Canal, la série qui cartonne, Hippocrate pour débuter la soirée, 22h40. Les paris du Globe Cooker, et ce soir, il se balade en Grèce et au Mali. Arte, 1900, première époque, un film avec Burt Lancaster et Robert De Niro. Donc quand je vous dis ça, vous savez que le film date un petit peu. 40 ans minimum, pile poil, 1976. Je suis trop fort, j'ai de la culture, c'est comme ça. M6, attention, Shrek est avec un inédit de Cauchemar en cuisine ce soir dans la téloche. On connaît le principe. Il arrive, il goûte les plats, trouve ça dégueulasse, la déco est pourrie, les cuisines crades, embrouille, engueulade, et en une semaine, tout est cliné. À la fin, tout le monde repart avec la larme à l'œil. C'est dans le contrat, faut chialer. Le meilleur de la TNT, W9, un film spécial gonzesse, Love Actually. C'est le genre de film qu'adore ma copine Bintou qui cherche un mari. Son seul problème, dès que tu lui dis un truc, elle te répond « Attention, je vais te gifler ». Bon, ça aide pas à trouver un mari. Au pire, je lui ai déjà dit de faire semblant au début, genre mielleuse, viens là, je te fais un mafé, et après, une fois mariée, elle balance de la gifle. Mais non, elle veut tout dire au début. Bintou, reprends-toi. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure, et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Et maintenant, écoutez un titre que vous n'entendez jamais sur Espace. Jamais. Ça va vous surprendre. Mais Ludo est assez fou pour vous le diffuser. Oui, je sais, il n'y a pas de problème. Un petit Wham Last Christmas, forcément c'est totalement raccord et tendance. Et on nous l'a demandé à plusieurs reprises depuis une quinzaine de jours. Donc je vous le passe. Et puis voilà, à 20h ce soir, grand rendez-vous politique de notre pays et l'avenir de notre pays, j'ai envie de dire. Donc voilà, il faut qu'il soit excellent, le président de la République. Ciao, à demain 17h. Last Christmas. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie et bonne semaine. C'est lundi 10 décembre, il est 19h, les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Alors que la mobilisation des Gilets jaunes ne semble pas s'essouffler, Emmanuel Macron s'adressera à la nation dans une déclaration télévisée diffusée à 20h. Un discours seul face à la caméra enregistré depuis l'Élysée et qui devrait durer une vingtaine de minutes. Dimanche, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a assuré qu'il annoncerait des mesures concrètes et immédiates. Elle a d'ores et déjà exclu un coup de pouce général au SMIC. Elle a en revanche jugé possible dans certaines branches ou entreprises d'augmenter l'intéressement et la participation, de réaliser en urgence l'égalité homme-femme, voire d'augmenter des salaires. Le mouvement de contestation lycéenne contre une série de mesures gouvernementales n'a pas faibli aujourd'hui, avec 450 lycées perturbés, dont 50 bloqués totalement, selon le ministère de l'Éducation, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Dans la matinée, le ministère avait fait état de chiffres bien inférieurs, puisqu'il avait alors recensé 120 lycées perturbés. Des incidents ont notamment éclaté devant plusieurs lycées d'Île-de-France en marge de la mobilisation. Le laboratoire biopharmaceutique allemand Boehringer Ingelheim va supprimer 327 postes en France sur un total de 2800 salariés. À Reims, 35 postes vont être supprimés et 37 transférés à Lyon. Boehringer Ingelheim figure parmi les 20 premiers laboratoires pharmaceutiques au monde. Il était peu connu en France avant son acquisition de Merial en janvier 2017 dans le cadre d'un échange d'actifs géant avec le groupe pharmaceutique français Sanofi. Le vote du Parlement britannique sur l'accord du Brexit est reporté, a annoncé la première ministre britannique Theresa May aujourd'hui. L'accord négocié avec Bruxelles pendant 17 mois était censé être voté demain, mais la vive opposition qu'il suscitait chez les députés de tous bords rendait son approbation très improbable. Theresa May a ajouté qu'elle allait s'entretenir une nouvelle fois avec ses homologues européens pour essayer d'obtenir des garanties supplémentaires. Sauf qu'en parallèle, la Commission européenne a déclaré aujourd'hui qu'il n'était pas question de renégocier l'accord de divorce. Enfin, le billet tout compris pour le Taj Mahal en Inde va augmenter pour les touristes indiens comme étrangers. Le but est de réduire sa fréquentation d'au moins 20%. Auparavant, jusqu'à 70 000 personnes pouvaient envahir le site chaque jour durant les week-ends, ce qui a causé des dommages irréversibles au monument. Sur la plus normande des radios, Dorian. Après un bon week-end de repos, on est reparti pour se détendre tous les soirs dans l'afterwork. Espace, plus de son, plus de tubes. Et ça commence maintenant avec un nouveau titre pour l'afterwork de ce lundi soir. Martin Garrix et Mac Young, Dreamer, belle soirée. I'm a dreamer. Don't tell me not to dream. I got freedom. And that's everything to me. It don't matter what I've got or where I go. I find shelter a million miles from home. It ain't easy to keep going when it's hard. Keep shining in the dark when you wanna fall apart. But I'm a dreamer, so don't tell me not to dream. I'm a believer, as long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. Yeah.

Un petit moment que je vous l'avais passé dans l'afterwork, alors j'avais envie de le remettre ce soir pour vous. Adriano Mia en Normandie, en Picardie. Soyez prudents sur les routes, bon retour chez vous. Il est tout juste 19h26. La plus normande des radios. En mode souvenir. Écoutez. Espace. Et laissez nouveau message au 0950 35 50 50. C'est reparti pour l'opération Père Noël Espace dans le Morning Light et l'After School. Pour l'instant, mode souvenir, bonne M, no woman, no cry. Bonne soirée. Entrenched down, observing the hypocrite.

19h58 dans l'Afterwork. Merci d'être là. Dans quelques instants, le chef de l'État s'exprime, mais nous on passe en mode Noël. Voici Jingle Bells avant 20h. Bonne soirée. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle. Get a bobtail nag, 240 for his speed, then hitch him.